Annie Lebrun, pour ouvrir cette conversation, on va parler de poésie aujourd'hui. Je vais citer un extrait de votre livre « Du trop de réalité » qui vient donc de paraître chez Stock. Alors, page 49, chapitre 5. Voilà presque trois siècles, dans sa lettre d'avis à un jeune poète, Swift constatait, alors vous citez, donc on ouvre les guillemets, « Bien que nous n'ayons pas un seul poète de premier ordre, nous regorgeons de marguilliers et de bedeaux. Ayant une multitude de poétros, poètes de pacotille, singes poètes, philo-poètes et autres beaux esprits de bas étage, mais très entichés de la chose, qui sont de beaucoup plus nombreux que le reste, pour en conclure, fin de citation, pourquoi notre gouvernement n'aurait-il pas un poète lauréat comme on a l'Angleterre? Pourquoi notre université n'aura-t-elle pas un professeur de poésie comme on a l'Angleterre? Pourquoi notre lord maire n'aura-t-il pas un barde de la cité comme on a l'Angleterre? Et pour affiner sur l'Angleterre, pourquoi chaque corporation, paroisse et quartier de cette ville n'aurait-il pas un poète à gage comme ils n'en ont pas en Angleterre? Enfin, pourquoi tout homme en état de le faire ne serait-il pas obligé d'ajouter un domestique de plus à son nombre habituel et indépendamment d'un fou et d'un chapelain qui souvent ne font qu'un, n'entretiendrait-il pas un poète dans sa famille? Car peut-être un rimeur est aussi nécessaire parmi les serviteurs d'une maison qu'un charretier avec ses clochettes à la tête d'un attelage. » Voilà, et alors vous commentez, Annie Lebrun, « Arrêtera-t-on jamais le progrès quand tout ce que Swift a inventé du plus profond de sa joyeuse méchanceté paraît aujourd'hui au-dessous de la vérité ?» Oui, on ne peut que souligner la puissance visionnaire de Swift. Pourtant, il n'avait pas pris le métro. Enfin. Il n'a pas pris le métro, mais qui a prévu la stupéfiante opération de promotion culturelle à laquelle on assiste depuis quelques années et qui est organisée, semble-t-il, par tous les pouvoirs réunis. Alors, malheureusement, il ne s'agit pas du tout de l'imagination au pouvoir, comme des naïfs pourraient le croire, mais je pense de quelque chose d'extrêmement dangereux. D'abord, d'un côté, du coup, se trouve, parce que pour cette opération de grande envergure qui déborde partout, dans les gares, à cheval, en voiture, du coup, on se trouve promu au rang de poète. Toute la médiocrité créatrice et normale de créativité de ce temps. Et on a des poètes partout maintenant. Hein. Et en plus, chaque printemps nous en donne de nouvelles portées. Puisqu'il y a un marché de la poésie, il y a le sinistre printemps de la poésie aussi. Et sans doute parce qu'il est urgent de faire prendre à tout un chacun des vessies pour des lanternes. Et il semble urgent aussi de mettre sur le même plan eh bien Baudelaire et André Chédide, Apollinaire et Bernard Noël, et ou je ne sais quel autre sous-fifre. Il faut les mettre à égalité avec Villon ou Rimbaud parce qu'il est urgent de rendre tout équivalent. Et là, il me semble, à mes yeux, il s'agit d'une des plus catastrophiques nouveautés de ce temps. C'est presque quelque chose d'emblématique parce qu'il ne s'agit pas de tarir, mais dans le fond de polluer ce qui aura été de tout temps la source sensible de la poésie insurgée, de ce qu'on peut appeler la pensée nue. Car la poésie n'est pas, comme on veut aussi nous le faire croire, ce qui enjolive. La poésie n'est pas le flou esthétique qu'on voudrait nous imposer, mais la poésie, dans le fond, est la précision, dans le meilleur des cas, est la précision sauvage qui arrache aux êtres et aux choses leurs secrets. Or, au fond, c'est une opération contre la poésie elle-même. Ah, c'est une opération contre la poésie. Contre la poésie en tant que... Qu'elle est une riposte à la condition humaine. Oui. Et c'est ça qui me paraît extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que je parle, pour essayer parce que c'est toujours la difficulté qu'on a dans ce genre d'entretien, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de dire de façon assez approximative ce qu'on a essayé de dire ailleurs, ou d'écrire plutôt. Non, mais les auditeurs iront lire. C'est pas pour ça que je le dis, mais ça me gêne un peu pour des questions justement qui peuvent pas être mises à plat de façon rationnelle. Donc on a toujours cette approche surtout verbale approximative. Et c'est pour ça que j'ai j'ai parlé justement pour essayer de dire quelle violence est en jeu dans la véritable poésie, qui à mon avis est la pensée nue ou ce que, par exemple, ce que Nietzsche appelle la vérité crue. C'est ça, pour moi, l'expression de la poésie. C'est pour ça que j'ai parlé, dans Du trop de réalité, de l'énormité poétique. Parce que, par exemple, quand Apollinaire écrit à Lou « La vulve des juments est rose comme la tienne », ou alors quand Sade fait dire à un de ses héros un jour, considérant l'Etna, je désirais être ce célèbre volcan, eh bien, c'est tout d'un coup, c'est par des sortes de comme ça d'ouverture soudaine, violente de l'horizon, que on peut avoir une mesure de la liberté infinie qui nous habite. Oui. Une effraction. Oui. Oui. Et dans le fond, c'est pratiquement la véritable mesure que nous avons de notre liberté. C'est telle, et c'est justement ça qu'on veut nous faire oublier en nous gavant aujourd'hui, parce qu'on nous gave avec ce que j'appelle, moi, la poésie d'élevage. Moi, j'ai une petite question à vous poser, Annie Lebrun, parce que quand vous parlez du roman, vous dites toujours beaucoup de mal du roman, parce qu'effectivement, le roman vous paraît être, au fond, le lieu même du pathos. Bon. Néanmoins, vous lisez des romans, vous lisez Sade, vous lisez Raymond Roussel. Bon, Les coups de Jean Mécaert, oui. Voilà. Le pathos de la poésie ne vous convient pas, mais néanmoins la poésie vous convient. Le pathos du roman ne vous convient pas, mais le roman ne vous convient pas non plus. Ouais, c'est une question de proportion. C'est-à-dire je ne comprends pas ça. C'est que quand même d'habitude, très souvent, dans la plupart des cas, le roman est par élection le lieu du réalisme, de l'expression réaliste. Et justement, les gens qui, en général, les défenseurs, il y a toujours des défenseurs du roman contre la poésie, et c'est toujours au nom du réalisme qu'on essaye de discréditer complètement justement cette sorte d'infini qui est en jeu dans la poésie. C'est d'autant et plus alors, étrange oui. que vous êtes une femme qui lisait beaucoup, qui lisait aussi des romans, enfin, vous connaissez très bien Flaubert, par exemple. Oui, mais justement, Kafka. C'est que de toute façon, il y a des romans qui me plaisent, mais c'est à chaque fois. Vous aimez même Paul Bourget, j'ai appris ça. Mais à chaque fois, c'est quand il s'agit de livres qui vous emmène quelque part. C'est quand même la proportion des romans qui vous tombent des mains est encore peut-être plus grande que celle de la poésie qui vous tombe des mains. Vous savez, c'est pas en plus c'est une histoire, c'est une affaire ancienne. Moi, je me rappelle à ce propos, pas exactement, mais la critique de Sade à l'égard de Rétif de la Bretonne. Qui ça dit qu'il n'a pas envie de lire les écrits, les romans de Rétif de la Bretonne, parce que le roman ne l'intéresse pas, parce que on y parle de tout ce que le monde sait. Or, très souvent, il se trouve que les romans qu'on nous donne à lire, a fortiori la production actuelle est française, c'est quelque chose d'accablant. Tout d'un coup, des gens vous ennuient pendant une heure ou deux. Ce sont des gens avec qui vous voudriez même pas dîner. Vous voudriez pas passer cinq minutes avec eux. Tellement ce qu'ils racontent est accablant. Tellement les histoires, leurs histoires plus ou moins amoureuses sont consternantes. Donc c'est cette médiocrité là dont je veux m'éloigner dans le roman. Ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on me parle d'autre chose. Je veux qu'on me parle de ce qui est irréductible dans chaque personne. Or, il se trouve que le roman est un des véhicules favoris de la médiocrité. Nadja est tout sauf un roman. Il faut être catégorique parce que c'est un témoignage. C'est un témoignage et à la fois c'est une réflexion sur ce qu'il a vu, mais c'est tout sauf un roman parce que tout ce qui est avancé est vrai. Donc, justement, et c'est aussi là que, par exemple, Breton, lui, prend violemment position contre le roman, où il dit que ne l'intéresse nullement des personnages qui n'existent pas. Alors que le mystère est justement l'énigme est là, à portée de regard, à portée de main. Donc c'est aussi ça, le roman. On vous raconte aussi des histoires pour vous masquer le merveilleux qui est là, Cela dit, la poésie et le roman aujourd'hui ont tout de même la même fonction de masque et de mascarade. Hein. Oui, là, de ce côté-là, on est mal parti. Et on pourrait dire que le roman se poétise de la pire façon, donc sans jolive. Et d'un autre côté, que la poésie se prosaïse. Et c'est tout ça qu'on essaye de nous imposer, là, ce que j'appelle cette poésie d'élevage, qui sert à rendre, dans le fond, compatible ce qui est essentiellement incompatible, pour en arriver à imposer un véritable formatage lyrique, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'est la véritable poésie, qui, si on ne peut pas évidemment la définir, mais si on peut esquisser quelque chose, l'objet de la véritable poésie, c'est, dans le fond, c'est d'aller du rien, qui fait aller du rien au rien, et qui, en allant du rien au rien, saisit l'impensé. Donc c'est une manière d'être. C'est une manière d'être. Mais dans ces expressions condensées, c'est ce qui donne forme à ce qui n'en a pas, et qui, comme l'amour d'ailleurs, et qui de ce fait, la poésie se développe comme la métaphore toujours renouvelée de la vie humaine, parce que c'est tout d'un coup une sorte d'avancée extraordinaire sur le néant. Pour vous, au fond, un poète n'est pas nécessairement quelqu'un qui écrit de la poésie. Ah non. Alors, pas du tout. Il peut écrire des romans, par exemple, mais il peut aussi être comme Eisler, un homme qui s'occupe de photos. Oui, alors là, c'est extrêmement intéressant, justement, le cas de Hinrich Eisler, qui, à l'origine, est un poète, d'ailleurs, de très jeune poète tchèque dans les années 38-39, qui prend contact avec des personnes comme Toyen, Štýrský, et Taïg, qui sont à l'origine du mouvement surréaliste tchèque, et qui, étant juif, est caché pendant l'occupation par justement son ami Toyen tout le temps de la guerre, et qui pendant ce temps-là, ne pouvant pas publier, n'a pas sans doute le goût d'écrire, mais alors commence une sorte de travail au propre et au figuré dans la nuit de ce temps-là, puisque c'est à partir de négatifs photos, enfin de pellicules de photos sur le noir de la cellulose, qu'il commence à faire apparaître des formes. Écoute, là, effectivement, on assiste à un surgissement de... On voit l'impensé prendre forme, et ce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose d'extraordinaire à voir que contre la misère de ce temps, eh bien, il y a encore en ce jeune garçon, il y a l'énergie extraordinaire de faire apparaître des mondes. Oui, donc c'est un poète. Et c'est un poète, oui. Oui, ouais. C'est un poète, comme ça, des poètes d'ailleurs. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a aussi des périodes sans poésie, oui. Tant que telle. Et par exemple, il se trouve que je me suis intéressée à la fin du XVIIIe siècle. C'est un temps où la poésie proprement dite manque. Mais comme il y a d'ailleurs des moments où il n'y a pas de science, manque désespérément, comme il y a des moments où il n'y a pas de théâtre. Où il n'y a pas de théâtre. Mais etc. il n'empêche, oui. pour revenir au XVIIIe siècle, que la poésie, elle est chez Sade, mais elle est aussi de façon beaucoup plus diffuse dans à quoi moi je me suis intéressée, qui s'appelle le roman noir, oui. dans une forme de littérature populaire, où là, de façon complètement spontanée, se met en place un décor qui va être celui du romantisme. Et aussi, là, il y a quelque chose qui me bouleverse et en même temps qui m'interroge beaucoup, de voir comment, justement, d'un côté... C'est la pensée la plus singulière, celle de Sade, rencontre, se retrouve dans le même décor que ce qui est en train de se mettre en place à travers l'imagination plurielle. Et par ricochet, on comprend aussi ce que vous dites, quand vous dites que quand les forêts disparaissent, les vraies forêts, les forêts les forêts végétales disparaissent, oui, oui. disparaissent aussi des lieux pour l'imagination. Oui, oui, oui. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce lieu mental s'invente parce que ceux qui alors prétendent penser, en l'occurrence les philosophes des Lumières, sont incapables de penser, à part Sade, sont absolument incapables de penser l'absence de Dieu. Et tout d'un coup, tout se passe comme si l'imagination plurielle prenait les choses en main, inventait son propre décor pour jouer, rejouer, tout, et mettre en scène, donner corps à tout ce qui la hante, c'est-à-dire l'absence de Dieu, l'apparition du mal en tant que tel qui ne fait plus sens dans un univers sans Dieu, au moins qui pose des questions essentielles. Et ça, il y a quelque chose là de très agitant et qui moi, m'a complètement fascinée et qui montre aussi comment à la fois les changements de sensibilité, mais aussi les changements de mentalité et la politique se jouent sur des plages de temps infiniment plus grandes que ce qu'on a l'habitude de penser. Alors, vos poètes, donc Sade, qui n'est pas ce qu'on appelle de façon habituelle un poète, tous ceux qui écrivent des romans noirs, Eisler, qui est un poète, mais pas seulement au sens habituel du terme. Hein. Toyen, qui est peintre, mais qui est un poète. Pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà. Bon, mais il y a quand même un poète que vous aimez, un poète qui est un vrai poète avec des vers et tout, c'est Pierre Louys. Ah oui. Ah oui. Celui-là, il fait des alexandrins. Mais moi, je ne suis pas contre l'alexandrin. Ah ben non, vous aimez même beaucoup Baudelaire et Pierre Louys, par exemple, et notamment Pierre Louys. Mais la question n'est pas dans l'alexandrin ou non, la question est dans... Non, mais ça c'est un poète tel que... Enfin, oui, mais c'est aussi... C'est d'abord un érotomane de grande envergure. Annie Lebrun, vous n'aimez pas les poètes maudits? Vous aimez les poètes qui maudissent? Oui, ça me paraît évident parce que le poète maudit, c'est une fabrication de la société bourgeoise qui montre bien le rôle qu'elle entendait réserver aux artistes, et qui c'était cette place très très restreinte ou maudit ou condamné à la folie, etc. En revanche, il me semble beaucoup plus intéressant d'insister sur le fait que à peu près tous les grands poètes, en fait tous les gens qui importent, ont maudit ce monde, parce que la poésie par essence et constitue la plus violente critique de ce qui est. Dans la mesure où la poésie témoigne de l'infini qui nous habite, et de ce fait, elle témoigne de l'insuffisance du réel par rapport à la pensée, par rapport au désir, et c'est en ce sens aussi qu'elle est la source vive de la négation comme de la révolte. Donc, de façon délibérée ou non, Le poète maudit en quelque sorte toujours le monde, et on ne peut pas s'y tromper, parce que par exemple quand on voit la fin du siècle dernier, c'est-à-dire du 19e siècle, tout ce qui importe à ce moment-là, que ce soit Mallarmé, Jarry, même Vielle-et-Griffin, Schwob, etc., tous ces gens ne sont en rien engagés, pourrait-on dire, au sens où on l'entend aujourd'hui, mais ils sont tout normalement, tout naturellement du côté des anarchistes, parce qu'ils sont porteurs de cette révolte essentielle dont témoigne la poésie contre ce qui est. Et avoir l'inconsistance des poètes actuels, avoir la façon par exemple dont les uns et les autres ont avalé cette escroquerie autour de la métaphore à propos de toute l'affaire Sokal et Bricmont, où on essayait de masquer la crapulerie des emprunts de nos philosophes français à la science. Le fait qu'aucun poète, ou soi-disant tel, n'ait réagi à cette falsification autour de la métaphore, dit l'état actuel de cette prétendue poésie, et le fait que tous acceptent les bourses, les décorations, tous les ponts d'or que leur proposent les différents pouvoirs, en particulier dans cette promotion de la poésie dont on a déjà parlé suffirait à nous dispenser de lire leurs œuvres respectives. Dans votre livre, vous citez un très joli mot de Catherine Millet qui dit qu'il n'y a plus... Voilà. Que la subversion est subventionnée. Voilà, c'est ça. C'est pas un mot, exactement. C'est le résultat. Bon, vous savez, Catherine Millet est une critique d'art très, très sérieuse. Et Ah oui, le suicidé de la société fait place au subventionné de la société. Voilà ce que dit Catherine Millet. C'est pas un mot, c'est le résultat d'une analyse. Elle a tout à fait raison. Et là, c'est bon. Alors, si j'ai insisté sur la poésie, puisque c'est elle qui fait les frais de cette promotion forcenée actuellement des différents pouvoirs, mais tout ce que je dis à propos de la poésie vaut pour toutes les autres formes d'expression artistique, et on assiste à cette sorte de collusion sinistre des artistes et de l'État, et où c'est l'État et les pouvoirs qui maintenant payent les gens pour faire de la soi-disant subversion. Et c'est bon, il n'y a plus à s'interroger sur la crise de l'art, sur l'indigence de ce qui se produit. C'est joué d'avance, hein, c'est couru d'avance. Mais vous pourriez peut-être nous lire quelque chose, Annie Lebrun, qui romprait justement avec cette crétinisation. Peut-être une sorte de... Un jour, comme ça, c'est une petite réflexion sur la question, quoi, qui depuis longtemps ne m'arrête pas de me hanter, parce que autant je déteste la littérature en tant que telle, autant il se trouve aussi que j'écris. Donc c'est aussi la question pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi écrire ? Et c'est à cette question à laquelle j'ai sans doute évité de répondre, ou je continue d'éviter de répondre en écrivant. Alors, écrit-on pour se montrer ? Alors ce serait bien la pire des raisons. Écrit-on pour se cacher ? Il y a d'autres manières plus discrètes de le faire. Par exemple, ne pas écrire. Écrit-on au contraire pour essayer de voir, non pas au-dedans de soi-même, comme certains le croient, mais au-delà de soi-même. Quand même, en ce qui me concerne, c'est l'espoir d'un tel voyage qui seul me semble justifier l'aberration d'écrire. Aussi me garderais-je bien de tenter d'en déterminer le sens. Un jour peut-être verrai-je apparaître, à partir de quelques repères, une carte allusive des paysages que j'ai traversés, au plus près comme au plus loin de moi-même. En fait, les êtres, les lieux, les circonstances, le lyrisme ou la réflexion, tout m'aura été bon pour faire apparaître quelque chose comme un portrait. De profil, un portrait de profil à distance ou de l'intérieur, dont je voudrais que surtout que l'inachèvement se confonde non pas avec une carte d'identité, mais avec une carte d'intensité.